C'était une de ces soirées estivales où apparaissent tous les rivaux, des types qui vous sapent le moral. Ce soir, je ferais mieux de ne voir que de l'eau. Ce n'était peut-être vraiment pas. J'avais tout simplement envie de savoir qui tu étais. Mais un grand type du genre belâtre te vante ses mérites et moi j'avais le trac. Puis tout à coup tu t'es retourné. Je me suis senti mais tu t'adressais à moi. Je revivais enfin. Il y a des jours où la vie a du charme. Pour un peu j'en aurais versé une larme. Et petit à petit tu t'es approché. Tout simplement envie de savoir qui j'étais. Plus de grands types, ni même de belâtres. Je me trouvais plein de mérite et l'extase avait chassé le trac. Je buvais tes paroles. C'était parce que c'était moi. Alors il faut saisir la chance quand on est heureux. Ensemble on est parti, on n'a rien calculé. On avait tout simplement envie. Ba-da-ba-da-ba-da.